le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. D'où viennent les Berbères, ou plus exactement, d'où vient ce nom berbère pour désigner un peuple présent en Afrique du Nord depuis la plus lointaine antiquité ? Une étymologie séduisante fait rapprocher les Berbères des barbares. C'est ainsi que les Grecs et les Romains désignaient ceux qui n'étaient pas comme eux, ceux qui parlaient une autre langue. Le berbère serait donc un barbare, séduisant, mais sans doute inexact, car les habitants de la rive méridionale de la Méditerranée étaient déjà bien connus des Grecs et des Romains. Ils étaient les Libyens, les Numides, mais pas les barbares. Alors pourquoi berbères ? Une hypothèse est que ce nom leur a été attribué par les Arabes. Quand ils sont arrivés dans la région, ce seraient les Arabes qui auraient fait des Berbères des barbares en reprenant un mot romain. Pourquoi pas ? D'autres hypothèses ont été avancées. Iberber signifie nomade en Touareg. Et dans le même temps, vu d'Europe, les Berbères étaient des morts. Ce sont les petits mystères des origines des noms qui nous plaisent tant, entre berbères, morts, libyens, numides ou encore kabyles. Non, ces noms ne sont pas des barbarismes. Aujourd'hui, nous parlons de l'Algérie avant l'Algérie. Que reste-t-il de l'antique Numidie et des empires berbères dans l'Algérie d'aujourd'hui ? Pour en parler avec nous, Mehdi Gouergat, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à quelque chose, moi, qui m'interpelle immédiatement. Par exemple, je pense à l'ordre almohade. Donc, vous avez mis les dates et c'est bien sur le titre de l'ouvrage 1120-1269, une nouvelle lecture anthropologique. Vous êtes l'auteur aussi de l'histoire du Maghreb médiéval chez Armand Collin. Vous venez de faire un article dans la revue Sciences Humaines. C'est ça, dans un numéro consacré à l'histoire de l'Afrique, j'ai rédigé un article qui traite de l'histoire de l'Afrique du Nord, des conquêtes arabo-musulmanes à la prise d'Alger par la France en 1830. Voilà, parce que il faut rappeler, cette histoire de l'Afrique du Nord fait aussi partie depuis l'Antiquité de notre histoire. La Méditerranée n'était pas une frontière, au contraire, c'était un lieu d'échange. Absolument, on peut constater, et ceci dans la longue durée, des interactions, des échanges à tout point de vue, commerciaux, des alliances aussi militaires, politico-militaires, des échanges bien évidemment culturels, et évidemment la Méditerranée n'a jamais constitué une frontière. C'est bien de le rappeler. Avec nous également aujourd'hui, Tassadit Yassine, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes Tassadit Yassine, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les Kabyles, éléments pour la compréhension de l'identité berbère en Algérie ». Mehdi Gouergat, que nous venons d'entendre présenter rapidement la Méditerranée, a sous-titré son ouvrage « Une nouvelle lecture anthropologique de cet univers sur l'ordre almohade, sur l'Afrique du Nord, on va dire au XIIe, XIIIe siècle ». La lecture anthropologique est essentiel pour comprendre aussi ce qu'est l'Afrique du Nord. C'est un peu votre démarche aussi, Tassadit Yassine. Tout à fait. La lecture anthropologique donne finalement des éléments, on va dire, à la fois précis, mais en même temps un peu grossissants de ce qu'a pu être l'histoire sur la longue durée. Donc quand on parle de berbère, bien entendu, c'est un terme à la fois générique, qui englobe, qui renvoie une histoire, qui renvoie une mémoire, mais dans les faits, l'auditeur ou le lecteur moyen n'arrive pas à situer exactement ce que sont les Berbères dans un lieu situé et daté. Voilà. Et donc, alors, mon travail à moi, c'est de voir comment, plus exactement aujourd'hui, mais un peu quand même avec un regard historique, comment ces populations qui sont là depuis plusieurs millénaires se reconnaissent d'abord entre elles. C'est très important, ça on le dit jamais. Donc, comment elles se reconnaissent entre elles, pas simplement par la langue, mais par une espèce, je dirais, d'histoire ou d'inconscient collectif, d'une mémoire partagée, et qui sont autant dans les déserts que dans les montagnes, que dans certaines oasis, que dans certaines cités même. On oublie, par exemple, Radames, qui est tout à fait extraordinaire, qui est là depuis, une cité sous terre qui a des dessins, par exemple des peintures murales depuis au moins 3000 ans, vous voyez, aux Zouara en Libye, donc où la cité ibadite qui date du 11e siècle, 10e, 11e siècle. Vous voyez, donc c'est très très important de voir un peu ces traces des Berbères et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui surtout. Et là, petit détour antique avec l'historien romain Salluste. Salluste, auteur de La guerre de Jugurtha. Donc là, on est au tournant du changement d'ère, on est au 1er siècle. Alors, ce qu'on va entendre, c'est un extrait où Adherbal, roi de Numidie, donc en Afrique du Nord, un roi soutenu par les Romains, a été chassé par Jugurtha. Diantre, il est fort colère, donc il se rend à Rome pour plaider sa cause. Sénateur, Micipsa, mon père, me prescrivit en mourant de considérer la couronne de Numidie comme un pouvoir qui m'était délégué et dont vous aviez la disposition souveraine. Il m'ordonna de servir le peuple romain de tous mes efforts, tant en paix qu'en guerre, et de vous regarder comme des parents, comme des alliés. En me conduisant d'après ces maximes, je devais trouver dans votre amitié une armée, des richesses et l'appui de ma couronne. Je me disposais à suivre ces leçons de mon père lorsque Jugurtha, l'homme le plus scélérat que la terre ait porté, m'a, au mépris de votre puissance, chassé de mes états et de tous mes biens. Moi, le petit-fils de Massinissa. Moi, l'allié et l'ami héréditaire du peuple romain. Jugurtha, l'homme le plus scélérat que la terre ait porté. C'est ce que dit, évidemment, un ennemi de Jugurtha. Il s'appelle Adherbal, le roi de Numidie, qui s'est fait chasser par Jugurtha. Dites-nous, Mehdi Guirgat, qui est ce Jugurtha? On va commencer par présenter le personnage. Alors, le personnage est tout à fait fascinant et il est le rejeton d'une des grandes dynasties, si ce n'est la plus grande dynastie berbère, on dit plutôt libyque pour la période antique, comme vous savez. Et il est le petit-fils de Massinissa, c'est-à-dire le personnage qui a joué un rôle essentiel dans la victoire de Rome sur Carthage. Oui, donc là, on est bien avant Jésus-Christ. On est vers 200 ans environ avant Jésus-Christ, plus ou moins. Et donc, ce Jugurtha, il est le petit-fils de Massinissa. Et ce que l'on peut dire, c'est que depuis le 3e siècle, Rome n'a eu de cesse d'intervenir. Et en l'absence de règles de succession précises chez ces dynasties berbères, donc territoire compris depuis les confins actuels de l'Algérie, de la Tunisie, jusqu'à l'ouest algérien, eh bien, Rome choisit les uns contre les autres, les affaiblit, et évidemment cherche absolument à les vassaliser. Et l'histoire de Jugurtha, c'est celle d'une révolte d'un prince qui a essayé de faire feu de tout bois pour triompher, l'emporter, mais aussi asseoir une forme d'indépendance vis-à-vis de Rome. C'est un échec, mais dans la mesure où Salluste lui a consacré un ouvrage, et lequel ouvrage fait partie des rares ouvrages de l'Antiquité qui nous a été conservé, eh bien, depuis la Renaissance, on n'a pas cessé de lire cet ouvrage, de s'y référer, ne serait-ce que pour apprendre le latin, la langue classique par excellence. Et plus tard, au XXe siècle, donc au siècle dernier, les nationalistes, vous avez toute une historiographie d'obédience nationaliste, donc qui combattaient pour obtenir l'indépendance de l'Algérie, ont mis en exergue ce personnage, l'ont d'une certaine manière instrumentalisé pour donner ses lettres de noblesse au mouvement nationaliste. Le propos étant de dire que l'Algérie a eu des hommes qui n'ont des héros qui n'ont rien à envier évidemment à ceux de l'histoire. Elle aussi nationaliste, faut-il seulement le rappeler, de Vercingétorix jusqu'à Napoléon, Gambetta, Jugurtha étant évidemment serf dans cette optique-là. Et par exemple, on trouve l'historien, enfin il a donné dans plusieurs genres, Mehand Sherif Sahli, qui lui a consacré un livre qu'il a intitulé tout simplement Jugurtha, dans les années 1950. Hein. Voilà, donc Jugurtha, c'est vrai que nous avons un personnage du deuxième siècle avant Jésus-Christ qui est récupéré. Mais aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, on essaie de comprendre comment l'Algérie peut lire son passé. Et là, nous trouvons un héros national. Je voudrais juste une précision. L'Algérie, le pays que nous connaissons aujourd'hui, n'existait évidemment pas dans l'Antiquité. Et quand nous parlons d'un personnage comme Jugurtha, qui prend possession de la Numidie, donc un territoire, on est sur quel territoire? C'est-à-dire que le Maroc et la Tunisie sont aussi compris dans cet univers-là? Comment ça se décompose? Ce n'est pas exactement la Numidie. La Numidie, donc telle qu'on peut la cerner autour de la Deuxième Guerre Punique environ, c'est-à-dire vers l'an 200, eh bien, correspond à l'ouest de la Tunisie jusqu'à à peu près quelque chose comme Alger. Hein. Donc vous voyez bien, nous, on n'a pas, alors bien sûr, la notion de frontière est tout à fait relative. On parle plutôt de marche, donc c'est il faut comprendre cela comme une frontière zonale, pour le dire de façon un petit peu abrupte. La notion de frontière n'émergeant évidemment qu'à partir des États-nations. Il n'existe évidemment pas ni Tunisie, ni Algérie, ni Maroc, pas plus que de Libye d'ailleurs, mais des espaces, des configurations, des reconfigurations en fonction, évidemment, des grandes puissances. Et c'est le déclin, du moins politique, de Carthage, la grande cité, rivale de Rome, qui va amener, comme ça, une émergence. Et le fait aussi que les grands historiens, d'abord grecs, dans un premier temps, puis plus tard latins, vont s'intéresser à l'histoire de l'Afrique du Nord. Histoire, j'entends par là, ce qui est mis par écrit, ce qui est couché par écrit. Et donc, évidemment, jusque-là, on n'avait que quelques indices, certes, qui remontent à fort loin, puisque déjà, dès la fin du second millénaire avant Jésus-Christ, les Égyptiens parlaient, hein, évoquaient des rois libyens, mais sur lesquels nous sommes extrêmement mal renseignés. Et en l'absence véritable d'écriture, il faut laisser la part au doute, à une forme d'obscurité, et dire et préciser aux auditeurs que rien ne peut être tenu pour sûr, naturellement. Rien ne peut être tenu pour sûr en histoire, surtout quand c'est de l'histoire qui manque de sources écrites, même si il y a d'autres démarches de l'historien avec des disciplines corollaires. C'est notamment le cas de l'anthropologie. Et nous allons écouter justement un témoignage intéressant, parce que c'est presque au-delà du témoignage, c'est à la fois du témoignage et de l'avancée de la recherche. C'est Germaine Tillon. En 1968, elle participait, Germaine Tillon, à une émission intitulée Vocation. C'était à la télévision française. Et Tassadit Yassine, je vois que vous avez entre les mains l'ouvrage de Germaine Tillon. Écoutez bien, parce que pour essayer de comprendre les Berbères, elle fait la démarche qu'elle connaît, c'est-à-dire celle de l'anthropologue. Lorsque j'arrive chez les Berbères Chaouia, naturellement, la première chose que je fais, c'est d'étudier leur relation dans le milieu familial. Bon, les Berbères du Nord ont été, déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, dans un système de parenté qui est le même que le nôtre, c'est-à-dire une parenté dans laquelle on porte le nom de son père et on hérite de son père. Mais leur terminologie prouve qu'ils ont eu autrefois un système de parenté qui est encore vivant au sud du Sahara, c'est-à-dire un système dans lequel on est parents, des parents de sa mère et non pas de ceux de son père. Par conséquent, non seulement j'ai la preuve que le premier système le plus ancien est encore vivant dans certaines coutumes qu'on appelle du folklore, mais encore je peux dater le moment où s'est opéré le virage. Il est récent si je me base sur le folklore, et il a plus de 4000 ans si je me base sur l'histoire. Et d'ailleurs, ça m'amène à la conclusion que ce qu'on appelle le folklore est extraordinairement conservateur. Ce qu'on appelle le folklore est extraordinairement conservateur, disait Germaine Tillon en 1968 à la télévision française. Tassadit Yassine, pour essayer de comprendre, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, ce peuple berbère, c'est vrai que le folklore est intéressant. J'ai envie de vous demander tout simplement, mais qui sont les Berbères? C'est dur, hein? Une question. Oui, justement, c'est un peu, voilà, c'est intéressant, mais c'est un peu un piège parce que on peut pas parler des Berbères comme encore une fois comme un groupe homogène, voyez, qui évoluerait de Siwa jusqu'aux Canaries, parce que ça existe encore. Et dans le folklore, il y a des choses qui nous ramènent à ce qu'ils appellent eux le continent. C'est très important et c'est très intéressant. Donc ces Berbères, si vous voulez, on peut grosso modo pour l'auditeur dire que c'est des populations pré-judaïques, pré-chrétiennes, pré-musulmanes, voilà, et pré-françaises, si vous voulez, si on veut faire le découpage ainsi. Donc, ce sont soi-disant des populations très anciennes. Mais quand je dis soi-disant, je mesure mes mots, parce qu'en fait, les Berbères ne sont pas, comme on le dit, j'emploie un terme qui est barré aujourd'hui du dictionnaire, ne sont pas une race. C'est donc des populations diverses qui se sont constituées au gré de l'histoire. Et là, on est 2000 ans et même 3000 ans en arrière. Hein. Et donc, voilà. Donc, il y a des populations qui se reconnaissent dans un système. Et là, ce que dit Germaine Tillon est très important. Et ça me fait chaud au cœur. Elles se reconnaissent dans une culture et dans un système de patrilinéaire, dans un système juridique qui va revenir, justement, avec le fameux Dahir Berber au Maroc, dans un système, je veux dire, d'appartenance culturelle. C'est ça qu'on peut appeler les Berbères. Et d'une langue, hein, si je puis me permettre. Bien sûr. La langue, ça va de soi, puisque c'est la seule, aujourd'hui, que l'on reconnaît et dont qui rend visible cette berbérité. Mais sinon, il y a tout un socle culturel que l'on peut ne pas voir de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ces populations anciennes, qu'elles soient berbères ou qu'elles soient des berbères christianisées, islamisées, judaïsées, parce qu'il y en a aussi, eh bien, ils vont vivre ils vont connaître ce que nous appelons la diglossie, c'est-à-dire parler plusieurs langues, pratiquer des fois plusieurs cultes, et pas avoir un syncrétisme. Mais moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéresse l'anthropologie aujourd'hui, c'est comment ces gens eux-mêmes se renvoient à cette berbérité. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la véracité, ce n'est pas la justesse de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, finalement, on serait dans l'essentialisme. Et c'est ça qui est important. Ce que dit Germaine Tillon, comment se fait-il qu'un système de parenté qui soit très très très très très loin et qui finalement a connu les trois religions monothéistes et qui est resté dans une transmission matrilinéaire. Et ça, c'est passionnant. Donc, on le retrouve dans les régions du Sud, donc chez les Touaregs. Les Touaregs. Et pas seulement les Touaregs. On le retrouve un peu, ça s'est effacé avec les populations qu'on appelle Sahraoui aujourd'hui, un peu en Mauritanie, et on le retrouve dans le Nord, qui va ressurgir à des moments de crise. Et ça, c'est très important. Par exemple, là, je vous juste un petit exemple. Pendant la guerre d'Algérie, j'ai fait quelques enquêtes, et j'étais vraiment surprise de voir qu'en situation de guerre, ce sont souvent les parents maternels qui recueillent leur fille et les enfants. Je me dis, mais d'où ça vient ça? Dans une société patrilinéaire déjà méditerranéenne ancienne, doublée d'une patrilinéarité juive, chrétienne et musulmane. Mais les fondements existent. Et c'est ce que dit Germaine Tillon. Et donc même Monsieur Mehdi Gouad a raison de me rappeler la langue. Par exemple, chez les Berbères, donc les Berbères, chez les populations parlant encore cette langue, eh bien, pour dire frère, le mot frère veut dire fils de ma mère. Pour dire sœur, ça veut dire fille de ma mère. Donc, c'est la parenté utérine qui avait une importance très importante. Et là, je fais rebondir l'historien. Donc, je ne sais pas si dans le dernier livre de Pierre Bonte, qui s'appelle Récit d'origine, qui est tout à fait fantastique, il casse un peu les schèmes traditionnels. Bien sûr que la conquête arabe a existé, bien sûr que les armes ont été là, bien sûr que la captivité ça c'est vrai. Mais il y a d'autres formes d'islamisation, beaucoup plus douces parfois et beaucoup plus importantes, qui passent par la parenté, qui passent par le fait que les hommes qui viennent d'Orient, shérifs ou non shérifs, qui épousent des nobles autochtones, surtout dans le sud, dans les régions sahariennes où les femmes, vous dites, la transmission se fait par les femmes, la transmission du pouvoir, la transmission de la culture, mais en épousant des femmes nobles, du coup, c'est tout le groupe qui devient musulman. Et ça, c'est très important. Et dont on ne parle jamais assez. Mehdi Guergat, historien, rebondissez. Alors, du coup, je vais faire ce que fait tout bon historien, c'est donner des jalons chronologiques, c'est des ça. Repères pour nos auditeurs, et dire que l'histoire du Maghreb se singularise, se démarque nettement des autres entités voisines, adjacentes, comme l'Égypte, le Proche et Moyen-Orient d'une façon générale, ou la péninsule ibérique, Al-Andalus, c'est-à-dire qu'au moment des conquêtes arabo-musulmanes, d'une part, l'Afrique du Nord va opposer une résistance acharnée, et ce n'est que dans la mesure, et dans la mesure seulement, où les conquérants arabo-musulmans vont associer les guerriers berbères à une entreprise de conquête, à une horizon d'expansion, notamment d'abord en Al-Andalus, puisque celui qui initie la conquête de la péninsule ibérique, Tariq ibn Ziyad, est lui-même un berbère, qu'il est associé, dans une forme assez complexe d'ailleurs de clientèle, avec un supérieur gouverneur arabe, Moussa ibn Nasser, et plus tard jusqu'en France, puisque les expéditions qui sont menées au nord des Pyrénées à partir des années 721 sont le fait principalement d'armées de berbères, composées de berbères, et récemment encore à Pampelune, on a mis en évidence une fosse commune donc qui a été datée de l'année où les Navarrais, c'est-à-dire en fait les Basques, ont repris la ville aux arabo-musulmans, et on a, grâce à l'ADN, mis en évidence le fait que les cadavres étaient ceux de berbères et ils avaient les dents taillées en pointe, c'est-à-dire pour bien souligner le caractère martial, guerrier, très fortement affirmé. Et juste un mot, l'Afrique du Nord était évidemment, contrairement au Proche Moyen-Orient, n'était pas compris dans le cadre d'un empire. Vous aviez des communautés villageoises, tribales, ce qui fait que cet ensemble-là a posé problème. Et dès 739, 740, vous avez une immense révolte qui fait que les berbères vont gagner dans leur majorité, regagner en fait leur indépendance. C'est-à-dire que contrairement à l'Andalus voisin ou l'Égypte, vous n'avez pas une élite aristocratique qui domine cette société et où dans lequel il y aurait eu une influence, une islamisation et une arabisation qui aurait été le fait de personnes soumises à un ordre arabo-musulman, comme c'est le cas par exemple en Syrie ou en Irak. Non, là vous avez un processus d'auto-islamisation, c'est-à-dire que l'islamisation se fait dans un cadre indépendant, et c'est très important de le souligner, de dire que finalement ces populations-là n'ont pas vraiment été soumises à un pouvoir exogène, étranger à ces sociétés. C'est ce qu'il convient de rappeler. Voilà, donc il y a le cas égyptien, le cas andalou, le sud de l'Espagne, et donc vous, Mehdi Guergat, c'est vrai que vous nous expliquez que le Maghreb, parce que encore une fois, on n'est pas vraiment dans l'Algérie d'aujourd'hui, évidemment, c'est différent, mais ça nous intéresse parce que c'est cet espace qui est influencé. Le Maghreb conserve cette identité berbère. On va écouter une lecture, parce que c'est vrai que dès que nous avons en tête l'islam médiéval, cela nous conduit en Andalousie et des images nous viennent, presque des clichés. Justement, on va écouter un récit. Alors, un récit rapporté par un chroniqueur arabe, c'est une entrevue tout simplement entre Averroès. Alors, Averroès, on le connaît, philosophe, médecin, mathématicien, enfin bon, l'homme absolu de la science. Averroès qui rencontre le sultan Almohad. Averroès, qui parle de sa rencontre, qui évoque un autre philosophe d'ailleurs, on va l'entendre, dans la lecture que va nous faire Élodie Hubert, Merci beaucoup pour cette leçon, Im Tufail. Donc Averroès qui parle de sa rencontre avec le sultan. Après m'avoir demandé le nom de mon père et ma généalogie, la première chose que me dit l'émir des croyants fut « Que pense-t-il du ciel ?» en se référant au philosophe. « Est-il éternel ou créé ?» La confusion et la crainte s'emparèrent de moi, et je commençai à inventer des échappatoires et à nier que la philosophie m'ait jamais intéressé, car je ne savais pas ce qu'Ibn Tufayl lui avait dit à mon sujet. Mais l'émir des croyants, comprenant ma crainte et ma confusion, commença à commenter ce qu'il m'avait demandé, mentionnant ce qu'avaient dit Aristote, Platon et tous les philosophes, et présentant en outre les objections des penseurs musulmans contre eux. Je me rendis compte qu'il avait une mémoire et connaissance telles que je n'aurais pas cru que l'on puisse en trouver, même chez ceux qui se consacrent exclusivement à ce thème. Il poursuivit en me tranquillisant de cette façon jusqu'à ce que je parle, et me mit à exposer ce que je pensais de la question. Et lorsque je me retirai, il ordonna qu'on me fasse don d'une somme d'argent, de vêtements d'apparat et d'un coursier. La rencontre d'Averroès avec le sultan, selon un récit d'un chroniqueur arabe, lu en direct ce matin dans le cours de l'histoire par Élodie Hubert. Et nous entendons dans ce récit d'Averroès des noms qui évoquent tout de suite l'antiquité grecque, Aristote, Platon, les philosophes. Donc c'est un texte qui nous est, j'allais dire servi, mais qui nous est présenté pour montrer comment ce monde arabe a transmis la culture antique. Nous sommes d'accord, c'est vrai. Alors, il y a une nuance malgré tout, Mehdi Guergat. Je ne voudrais pas jouer les troubles faits ou une personne qui contreviendrait, mais le problème de ce texte, c'est qu'il provient d'un auteur, Abdelwahid al-Murakushi, dont on ne sait absolument rien. C'est-à-dire que, vous savez, dans le monde, les mondes, en fait, de l'islam médiéval, vous avez des dictionnaires bibliographiques, et dans les sources, on peut remonter, on peut trouver la trace, et savoir qui est qui. Or, ce personnage, on ne le connaît pas, et ce texte provient d'un manuscrit qui est un unicum, donc un manuscrit unique, retrouvé aux Pays-Bas, à Leiden au 19e siècle, et l'auteur donc qui est Abdelwahid Murakushi est un il se dit comme maghrébin installé en Égypte, il est allé aussi en Syrie, et le propos de cet auteur c'est de chanter les louanges des califes de l'Occident musulman qui sont à ce moment-là les califes almohades, et de dire que les califes sont tout aussi savants que ceux de l'Orient qui, depuis l'époque abbasside, depuis le Mahamoun, depuis le fameux songe où il avait vu en songe Aristote, qui lui avait indiqué la démarche à suivre, c'est-à-dire de remettre à l'honneur les philosophes de l'Antiquité grecque, ceux qu'on appelait en France jadis les anciens. Et là, évidemment, le problème, c'est que ces califes dans l'Occident musulman, d'origine berbère, avaient la réputation en Orient d'être des grossiers personnages, des demi-habits, des gens absolument sans culture qui ne pouvaient soutenir la comparaison avec les califes orientaux. Et évidemment, à travers cet extrait, où les personnages, de tout premier plan, les grands philosophes de l'Occident musulman, les deux principaux qui prennent la parole d'ailleurs, Ibn Tawfayl, Averroès, j'ose pas dire, on dit de façon triviale en français dialectal, servir la soupe, c'est-à-dire donne l'occasion au calife de montrer, de démontrer qu'il a une connaissance absolument approfondie, remarquable, et pour tout dire admirable, de la pensée des philosophes de la Grèce antique. Voilà, donc bon, l'utilisation d'un texte détourné, un texte, c'est vrai, on va dire, c'est un classique, mais encore faut-il pouvoir le décrypter. Donc merci beaucoup à vous, Mehdi Guergat, de cette lecture. Il est important, malgré tout, une fois qu'on a mis la nuance sur un texte précis, d'expliquer l'ensemble. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette Afrique du Nord médiévale, avec des empires berbères qui existent. Et ces empires berbères, c'est le sujet de vos recherches, Mehdi Guergat, notamment. Alors, il y a deux dynasties majeures. Comment ça se construit? Les Arabes arrivent, donc nous sommes au 8e siècle, quand les Arabes arrivent en Afrique du Nord. Alors, ils arrivent au 7e siècle. Dès le 7e siècle. À partir des années 647, à peu près, à partir de leur base égyptienne, ils entreprennent la conquête des territoires situés à l'ouest, qui leur ont posé un problème fondamental et somme toute inédit, c'est-à-dire que les Arabes de la période pré-islamique connaissaient l'Égypte, connaissaient le Fars, c'est-à-dire plus ou moins l'Iran occidental, la Mésopotamie, la Syrie, le Yémen, mais connaissaient totalement cette région qui leur a paru extrêmement étrange, bizarre, sauvage, c'est-à-dire totalement, déjà avec une langue, avec des sonorités, avec des z, toutes sortes de phonèmes qui leur étaient étrangers, un système, comme l'a très justement rappelé avec brio Tessa Edith Yassine, matrilinéaire, peut-être même une forme de matriarcat, et toutes sortes d'éléments qui finalement faisaient de ces sociétés des sociétés qui leur étaient étrangères. De plus, il n'y avait pas sur place d'empire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la possibilité de faire comme ce qui s'était passé avec l'empire byzantin et surtout avec l'empire perse sassanide, c'est-à-dire de battre les armées de l'empereur et de remporter la mise une bonne fois pour toutes. Là, le problème de ces sociétés segmentaires, c'est que une fois que vous avez soumis une tribu, vous devez vous attaquer à la tribu suivante et entre-temps la tribu que vous avez soumise s'est révoltée et donc les Arabes et ça ne dure qu'un siècle. Alors pour répondre à votre question sur les empires berbères, naturellement, à partir du 11e siècle, on constate un mouvement à la fin du 11e, début du 12e siècle, vous avez une accélération des rapports avec l'Afrique subsaharienne que nous n'avons pas évoqué. Et c'est bien dommage. Donc l'or qui sert en fait au démarrage de l'Occident, tente de l'Occident musulman chrétien, provient de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique sahélienne, des pays comme la Guinée-Conakry, la Burkina Faso, le nord de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, hein, actuelle. Et cet or-là va servir à fédérer des forces et, si vous voulez, va amener la constitution d'un pouvoir fort et on va passer dans un espace relativement, dans un laps de temps relativement bref, donc de sociétés au pouvoir très horizontaux, relativement égalitaires, avec des communautés villageoises, tribales, etc., qui prennent des décisions, à un état plutôt pyramidal, vertical, qui ressemble et d'ailleurs qui s'inspire de ce qu'on pouvait trouver dans les califats omeyyades d'Al-Andalus ou ceux d'Orient. Et à partir de ce moment-là, donne fondamental, on va assister à une unification territoriale tout à la fois. Donc on a des grands empires, des grands ensembles qui comprennent Al-Andalus, donc ce qui reste à ce moment-là de la péninsule ibérique sous domination musulmane, et le Maghreb. Et les Almohades réussissent, ce qui ne sera plus jamais refait par la suite, hein, exploit qui restera jusqu'à ce jour inédit, d'unifier ce territoire, grosso modo, de la Tripolitaine, donc l'ouest aujourd'hui de la Libye, jusque, grosso modo, à Castellón et un peu au sud de Lisbonne, c'est-à-dire et jusqu'à l'océan Atlantique, donc un espace immense. Et donc, évidemment, ce sont les ressources qu'apporte le commerce aussi avec les puissances chrétiennes et les républiques italiennes, Pise en premier lieu, Gênes, et évidemment, ce sont qui amènent les commerçants, qui donnent aussi la possibilité aux dynasties de s'enrichir en prélevant des taxes, toutes sortes d'éléments qui font que le Maghreb, à ce moment-là, les califats berbères sont partie prenante d'un démarrage de l'Occident. C'est important, je crois, de le rappeler. Voilà, en tout cas, une unité qui est faite, une unité almohade du nom de la dynastie, une unité, c'est formidable de se dire ce royaume, après avoir passé les conquêtes, de garder toujours cette identité. Mais Mehdi Guergat, vous avez utilisé le mot tribu et le mot unité ensuite. Dites-nous, Tassadit Yassine, est-ce que le monde berbère était un monde, en lecture d'anthropologue, un monde tribal? Ben évidemment, ça, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot tribu. Mais avant d'arriver à la tribu, j'aimerais quand même rebondir sur deux choses. Mais peut-être que pour Jugurtha reviendra à la fin, vous avez dit. Par rapport, Mehdi, vous avez dit tout à l'heure, c'était en fait des... Enfin, il n'y avait pas d'empire, moi, dans le cas des dynasties indépendantes. Je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, le problème des Berbères, c'est pas le fait qu'ils n'aient pas joué un rôle, c'est pas le fait qu'ils n'aient pas été existants dans toute la pénétration dans les pays subsahariens ou en Andalousie, ça on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que une fois que l'Afrique du Nord a été conquise, une fois qu'il a été islamisé profondément ou en superficie, le problème n'est pas là. Une fois qu'ils aient accepté la langue arabe comme langue, justement, scripturaire, légitime, etc., etc., même si on ne la parlait pas, on ne va pas la parler jusque très, très récemment, d'ailleurs. Mais ce qui compte, justement, c'est la légitimité. C'est en théorie. Et donc, que l'Afrique du Nord, je sais que les Fatimides sont partis d'Afrique du Nord, sont partis de Kabylie, et un mouvement très, très, très, très important dont on ne parle pas aujourd'hui, et dont les descendants de ces groupes-là souffrent le martyr actuellement en Algérie, ce sont les Ibadites, le mouvement Ibadite qui a été très très très important. C'était donc qui a gouverné toute cette Afrique du Nord depuis l'Algérie jusqu'au pays du Sud, Sahara, jusqu'au Maroc, et c'est eux qui vont développer justement le commerce avec l'Afrique. Ramener de l'or, mais aussi des esclaves, et ils vont exporter du sel, et avec d'autres richesses, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Mais ce sont des bases culturelles qui ont été très importantes, et dont on ne parle jamais assez. Et quand on parle des Ibadites aujourd'hui, on ne voit que le côté puritain, religieux, mais on ne voit pas tout ce que les Ibadites ont développé socialement, et qui reste jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, une espèce de partage extraordinaire que l'on retrouve chez les Ibadites, que l'on retrouve au Maroc, dans la région de Figuig. Vous voyez, ce sont donc des traces tout à fait importantes. Et pourtant, c'était, je ne sais pas si on peut l'appeler empire, mais c'était quelque chose de très, très, très important. Quand vous dites, oui, les Arabes n'ont jamais gouverné, quand on prend le gouverneur de Tanger, il a été quand même massacré par le fameux Maïsara. Oui, et donc... Maïsara, oui. Oui, mais donc je veux dire qu'il je y a eu... Je le fais à la française. Il y a eu, effectivement des possibilités de régner en tant que musulman, mais berbère, islamisé et arabisé. En surface, en tous les cas, même si c'est dans la pratique, c'est pas là. Et c'est ça qu'il faut distinguer. Et c'est ça dont on va hériter avec la colonisation et avec surtout les indépendances. Donc on va jamais voir les réalités de ces populations, ce sur quoi elles vivent, avec quel socle culturel, même religieux, quand on dit religieux, ça veut dire un fond de croyance anti-islamique, ça on ne le prendra pas en considération. Et c'est ça, si vous voulez, qu'il faut comprendre pourquoi les populations algériennes, marocaines, ou même jusqu'à un certain point libyennes, aujourd'hui sont en ressurgie à partir des indépendances plutôt que pendant les colonisations. Mehdi Amrouche, excusez-moi, Mehdi Gouirgat. Alors, l'ibadisme, c'est une forme considérée comme schismatique, hétérodoxe de l'islam, si on prend une optique sunnite, hein, évidemment, les termes sont tout à fait tendancieux. Et alors, il faut préciser que dans un premier temps, l'islamisation d'abord se fait c'est un processus long, voilà, très complexe. Et dans un premier temps, ce qu'on peut retenir, c'est que il y a au Maghreb une situation plurireligieuse pendant très longtemps, pratiquement jusqu'au 12e, 13e siècle, c'est-à-dire jusqu'aux empires almohades en fait, où vous avez tout à la fois très certainement des populations berbères judaïsées, quelques populations chrétiennes également, mais beaucoup moins importantes, par exemple, que celles d'Égypte ou d'ailleurs, et des formes hétérodoxes d'islam, ce qu'on appelle le kharijisme, le chiisme, et aussi ce qu'on oublie très souvent, des formes berbères de l'islam, qui adoptaient l'islam comme modèle, mais qui traduisaient le Coran et qui rajoutaient des chapitres, donc des sourates, si j'osais dire, de leur sauce, avec des prophètes également locaux, s'exprimant, parce que, évidemment, ce qu'on oublie de dire, et aussi, cet islam hétérodoxe a joué un rôle fondamental dans l'islamisation de l'Afrique subsaharienne des formes assez précoces, d'ailleurs, 8e, 9e, 10e siècle. Donc, nous cherchons aujourd'hui dans le cours de l'histoire à comprendre ce monde berbère en voyant que, étant donné que nous sommes dans une zone de carrefour avec un peuple présent depuis très longtemps et des croisés de religion et de culture, nous avons dès lors une création, parce que nous parlons beaucoup de religion, nous parlons ici de domination, il y a la culture. Et la culture est là et nous allons l'écouter à travers une voix particulière qui va vous plaire, je suis sûr, Tassadit Yassine. C'est celle de Marguerite Taros Amrouche, qui est la sœur de Jean Amrouche, dont vous allez nous parler dans quelques secondes. Écoutez, c'est un chant d'exil berbère. C'est sublime, c'est Marguerite Tahos Amrouche, chant berbère, c'est la sœur de Jean Amrouche. Alors le nom ne nous évoque peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais il faut rappeler que Jean Amrouche fut une star de la radio des années alors 50, on va dire, et même encore après. Qui était-il ? Présentez-le-nous, Tassadit Yassine. Alors Jean Amrouche, c'est très intéressant parce que là, justement, peut-être que ça peut synthétiser cette émission. Il est né en Kabylie. Et donc il est fils de converti. Jean Amrouche ne s'est jamais converti, il est fils de converti, c'est très important. Au christianisme. Donc c'est une famille d'Irilali, il est né en 1906, en février 1906, et il est mort donc en mars 62, qui est très important, c'est-à-dire juste après les accords d'Évian. Et donc, Jean Amrouche, donc, il est issu de cette famille, on va dire, son père s'est converti à l'âge de 16 ans au christianisme, et sa mère va se convertir le jour de son mariage avec Belkacem Amrouche. Et donc, de cette union, va naître Jean Amrouche, et c'est très intéressant parce que si dans un premier temps, on a essayé de convertir des familles pauvres ou des familles, enfin, qui n'ont, avec Monseigneur la Vigerie, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, on ne voudra plus de ces indigènes christianisés, que ce soit en Kabylie, il y en a d'autres dans d'autres régions en fait, d'Algérie, mais les Kabyles vont justement faire parler d'eux. Pourquoi ? Parce que, à cause de Jean Amrouche et d'autres personnalités qui vont émerger. Oui, parce qu'ils portent cette identité-là. Voilà. D'ailleurs, quel lien on peut faire ? On parlait en début d'émission de Jugurtha, de ce roi de l'Antiquité. C'est important de le dire, parce que bon, très tôt, donc, va se poser pour lui un problème d'identité. Il va vivre en Algérie, puis en Tunisie. Et dans ses lettres, dès les années 20, il écrit à un de ses camarades de classe, il lui dit: dis-toi bien que nous sommes africains. Comme Saint Augustin, nous sommes africains. Pourquoi ? Alors justement, c'est très intéressant par rapport à ce que disait Mehdi tout à l'heure, c'est que cette identité berbère, entre guillemets, elle s'exprime soit quand on est chrétien par rapport à Saint Augustin, c'est un africain, et Saint Augustin disait qu'il était africain, donc on est des Africains et on a donc une légitimité à revendiquer notre histoire et notre identité par rapport à ces grandes figures. Eux, c'est nous et nous, c'est eux. Donc ça, c'est par rapport à Saint-Augustin. Et aussi, Jean Amrouche va récupérer, pas simplement lui, mais lui parce que, bon, encore une fois, il était ce qu'il était. Il va donc publier ce petit essai qui s'appelle « L'éternel Jugurtha ou le génie africain ». Donc il va prendre en fait des traits de Jugurtha qui va s'approprier. Donc le Jugurtha qui est beau, qui est ceci, qui est cela. Donc il va prendre un peu son courage, son désir d'aller à la conquête, mais aussi sa passion, en fait tout ce que l'Occident reproche à l'homme disons de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, c'est très important. Donc par rapport à ce que disait tout à l'heure, pour les Algériens, même pour les Tunisiens, le président Bourguiba avait un portrait de Jugurtha dans son bureau. Ce n'était pas un échec. Vous voyez ? Tout. Ben oui, parce que pour eux, ce qui était important, c'était qu'il y ait une figure de la résistance. Et pendant le mouvement national, on va associer colonisation française à la romanisation, voyez, à Rome. Donc, qu'il y ait des hommes qui aient combattu Rome, pour eux, c'était ça. C'était, en fait, la figure du héros qui les intéressait. Et là, je crois que dans toute histoire, même dans les grandes histoires occidentales, en fait, c'est une construction. L'histoire est une construction. Et dans le monde berbère, effectivement, on sent que la construction historique est essentielle. Elle ressurgit tardivement, elle ressurgit pas tardivement, elle ressurgit différemment selon les contextes. Tout à fait. Alors attention, parce que évidemment, là, il y a une reconfiguration essentielle, je crois, à l'époque coloniale. C'est-à-dire que la colonisation, notamment en Algérie, va essayer de chercher des courroies de transmission auprès de sociétés indigènes. Donc bien sûr, c'est tout le dossier très épineux du décret Crémieux qui accorde la nationalité française aux juifs d'Algérie. Et de même, dans cette même optique, un travail de de conversion va être tenté auprès des populations indigènes sans véritablement grand succès, il faut bien le dire. Oui, oui. Et bien au contraire, vous allez avoir une par contre-coup, une sorte de collage où on va assembler islam et identité nationale. C'est là un extrêmement tout à fait fort, et c'est, attention, c'est une invention véritablement de la fin du 19e, début du 20e siècle. Pierre Vermeuren l'a parfaitement, je crois, démontré, parce que l'islam jusque-là a été resté très délocalisé. C'était un islam confrérique. Populaire, oui. Donc évidemment, à partir de là, on a une étatisation de l'islam. C'est ça qu'il faut retenir. Mais à partir de 1871, à partir d'une insurrection... très forte en Kabylie, et pas simplement, cette insurrection va gagner toute l'Algérie, et c'est là justement qu'on va essayer de casser ces Kabyles, ces Berbères, dont on dit qu'ils étaient organisés, qu'ils étaient en fait... Bon, bref. Mais simplement, ce qui est important, je parlais de Jean Ambrouche, la figure, c'est qu'il est chrétien, il se dit de civilisation musulmane, il se dit francophone, et il va apprendre l'arabe pour mieux communiquer avec les pays d'Orient, expliquer le problème algérien. Le problème algérien qui n'est en réalité pas un problème, c'est une situation politique, mais qui est vécue de manière compliquée en ce moment, d'où l'intérêt de regarder l'histoire. Nous avons voulu faire sur le temps très long de partir de l'Antiquité pour arriver à aujourd'hui en passant par le 19e siècle. On n'a pas tout dit, bien sûr, mais ce temps très long était nécessaire pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Tassadit Yassine. Merci beaucoup, Mehdi Gouergat. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Anaïs Quien. Anaïs Quien avec le journal de l'histoire. Anaïs Quien, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, l'histoire d'une icône déchue. Un documentaire consacré à John Wayne est d'ores et déjà disponible sur la plateforme de replay d'Arte. Réjouissez-vous. On s'attend à son regard acéré, sa collection de chapeaux de cow-boy, sa démarche chaloupée dans les déserts du Far West. L'icône du justicier, revenu d'à peu près tout, s'apprête à débarquer sur vos écrans. Mais le réalisateur, Jean-Baptiste Perretier, n'avait pas l'intention de faire l'apologie de John Wayne. C'est sur les traces de l'obsession patriotique de l'acteur hollywoodien qu'il s'est lancé, histoire de comprendre comment la vedette s'était muée en un réactionnaire militant. Ce n'est pas à partir de sa personnalité qu'il a construit son personnage. C'est son personnage qui est devenu sa personnalité. Good evening. My name's Wayne. Some of you may have seen me before. I hope so. I'm John Wayne. I'm John Wayne. We're down here in Texas filming a picture called The Alamo. John Wayne était mal parti. Pour ses premiers pas au cinéma, on le cantonne à des rôles de silhouette muette. Son jeu est toujours un peu coincé. Et en plus, il porte un prénom de fille, Marion. Marion Morrison, même s'il se fait appeler Duke pour rétablir sa vérité. Mais il a un physique de jeune premier et l'affection de John Ford, l'espoir est permis. Il entre bientôt dans le radar de la Fox, toujours en quête de chair fraîche, et se laisse docilement rebaptiser John Wayne. Il enchaîne les westerns de série B au kilomètre, une chevauchée répétitive et sans fin qui s'achève grâce à celle de John Ford, toujours la chevauchée fantastique en 1939. John Wayne avance de quelques pas sur le chemin de la célébrité et reçoit un coup de main historique salutaire qui le sort définitivement de l'industrie du cinéma de seconde zone. Everybody is doing his bit. There goes Jimmy Stewart on his way to enlist. One of the most popular stars on the screen. Joining the Air Force as a private, Jimmy has now won promotion. Today, he's Lieutenant Stewart, USA. Les États-Unis entrent en guerre en 1941 et les stars d'Hollywood s'engagent comme James Stewart ou Clark Gable pour défendre leur patrie en danger. Tous, sauf John Wayne, qui tergiverse et se trouve surtout très occupé en l'absence de ses congénères, puisqu'il tourne 13 films pendant ce temps-là. Il le regrette d'ailleurs amèrement après-guerre. John Ford, toujours, qui a filmé le conflit de près, l'humilie sur les tournages en évoquant sa couardise. La blessure est profonde et pris de remords, Wayne se mue en super patriote, à tel point qu'il devient le soldat américain par excellence. Les témoignages de vétérans sont à mourir de rire, qui décrivent comment mettre son casque à la John Wayne ou encore comment faire une John Wayne, c'est-à-dire un acte de témérité totalement inutile mais très viril au combat. La star ferraille sans relâche à l'écran et participe pleinement à éliminer les supposés communistes du sol américain en devenant président de l'Alliance cinématographique pour la préservation de l'idéal américain. Il dénonce et incite à dénoncer, sa guerre est déclarée. Il dit publiquement sa flamme conservatrice et devient un parangon de machisme au fil des années 60, avant de se planter lamentablement sur la guerre du Vietnam, qu'il soutient corps et âme jusqu'au déplorable film de propagande Les Bérets Verts, tourné en 1968. You have this childhood icon, l'icône de mon enfance, that you kind of put on a pedestal, l'acteur que j'avais mis sur un piédestal, se révélait être un crétin, un abruti qui faisait une propagande imbécile, qui présentait la guerre du Vietnam d'une manière que même moi, à 20 ans, je savais être un ramassis de foutaises. C'était tellement décevant. John Wayne a perdu une partie de ses fans qui ne peuvent plus le regarder qu'en cachette lors de séances de régression coupable. John Wayne n'est plus un dieu de la guerre, c'est un beauf. Toutefois, Jean-Baptiste Perrettier ne cache pas une certaine tendresse pour le cow-boy déchu. John Wayne, c'est l'histoire d'une star d'Hollywood qui n'a jamais réussi à sortir d'une guerre qu'il n'a pourtant jamais faite. Merci beaucoup Anaïs. Faut-il être déçu que l'icône soit déchue? C'est à revoir sur Arte et on peut réécouter, vous podcaster vos journaux Anaïs sur le site internet franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.